قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نفس النبي. ثانيا الصلاة في الجماعة أفضل من صلاتك صلاتك من صلاتك من صلاتك صلاتك صلاتك نعم صلاتك من C'est ou qui ou quel, ça dépend qui tu parles. Le plus important, c'est la harakat qui est sur le teint. Non. Non. Rabian. Non. خامساً محمد يقرأ جزء من القرآن ها جزءاً محمد يقرأ جزءاً من القرآن كل صباح ثم هنا في دو يبي Le 16 Achar sur et Tassia. Tamam. Sul Awal. Man Samia al Muazzima Yunadi li Salah. Muhammadun Samia al Adam. Muhammadun Samia. ثانيا من أية ركعة بدأ محمد وعبد الله الصلاة محمد وعبد الله بدأ الصلاة من الثاني من الثاني من أي ثاني في الثاني على ركعة ركعة من ركعة الثانية ركعة الثانية ثالثا كم ركعة صلاة العصر؟ هل يبدأ ألف؟ كيف كتبت بدأ؟ ها؟ لا لا لا dans le Le verbe là, il vient avant le fa'il. Dans ta phrase, ça a commencé par le muntada. Donc le fa'il doit le suivre. Pas pareil. Comment t'as écrit bada'a, toi ? Moi, je l'ai dit comme dans la question. Eh ben non. Parce que toi, t'as dit Mohammedun ou Abdullah. Bada'a. Là, faut que tu mettes un alif, alif al-ithnay. Ça vient à Mohammed Abdullah. Bada'a. Comment bada'a ? Parce que là, ils sont arrivés après le verbe. Toi, tu les as mis avant le verbe. Ouais, mais ça revient quand même à eux. Ça revient quand même à Mohamed et Abdullah. C'est eux qui ont commencé. Ah, ouais. Mais donc, dans la question aussi, ils auraient dû mettre le alif. Non, parce que dans la question, ils ne commencent pas par eux deux. Et pas, là, c'est pas eux le Moutada. On l'a pris, ça, dans l'exercice, la dernière fois. Ça y est. Quel mot est-ce que c'est Salatul As. Salatul As. أربعو. أيهما الأول الركوع أم السجود الركوع السجود أم الجلوس السجود قبل الجلوس نعم الثالث إيه عشر املأ الفراغات بكلمات مناسبة طيب الجملة الأولى عندك Nous sommes des musulmans dans les masajid. طيب. ثانيا. يقول الإمام عند الركوع التكبير. لا. التسبيح. لا c'est عند c'est pendant en fait. Pendant phrase. التسبيح. سبحان ربي العظيم. un tasbih. Sahih. Farifam. Salatu jama'a afdalu min salati ahadikum. D'après, je ne vais pas prendre le temps. Fais-y, Mekan. Là, pour moi, la phrase, elle est complète. Ah bon ? Ouais, mais bon. La salade en groupe est meilleure que la salade de l'un d'entre vous. C'est complet ? Tu peux être en groupe, sa salade ? Aïe, moi. Ou Wahdahu, plutôt, parce qu'on ne sait pas tous une jamara à la maison. Donc le mieux, c'est de mettre Wahdahu. Il faut être Ahadikum, Wahdahu. Tout seul, en fait. Rabi'an. Al-Mu'adhinu, Rabi'an. Al-Mu'adhinu, Yunadi, Lissolat. Naam. Khamisan. Yalqa'u l'imam, Khutbat al-Jama'a. Naam. Al-Musallun, Yaqifuna khalf al-imam. سابعا انتهى عبد الله استنشاق الوضوء لا وضوء ماذا كتبت انت جي با اكري سولا بس اداء الصلاه اداء الوضوء لا انتهى عبد الله من الوضوء جميل تطمين الوضوء من نعم دفع الوضوء بدي أوصي أداء كما تقول عبد الرحمن هذا الوضوء ثامنا استعد محمد لأداء لأداء الصلاة تاسعا ذهب محمد مع عمر إلى المسجد طيب الآن سندخل في الدرس 26 استعدوا لنقطة طويل شوية طبعا هيا نذهب لصلاة الجمعة علي نصرون على صلاة الجمعة كلمات جديدة يغتسل يغتسل هسي في الغسل سلافي سلافي تيبب يتيبب سي بارفومي مي دو تيب بارفان تيب كوم ديان سي بارفان القران الكريم معروف هو كلام الله صف ارون Khutba, c'est appelé un sermon. Discours, sermon. Ta'allam et ta'allamu, c'est apprendre. Apprendre. Ahabba yuhibbu, c'est aimer. Aimer. Ata yati, c'est arriver ou venir. Ou apporter. Apporter quelque chose. Ça, si tu mets un hafoujar d'ailleurs, mais le sens d'origine, c'est. C'est venir ou arriver. صاح الفجر. بكر يبكر سي venir tôt. Venir tôt. Ou faire une chose tôt, déjà, c'est venir tôt. Al-Azi Yubakir, c'est celui qui vient tôt. C'est le contraire de Ta'akhar, celui qui vient tard au dernier. Aqama Yuqimu, Ayli Salah, c'est le fait de d'habiller la salat. Établir, la mettre, la faire, quoi. Le fait d'appeler, de faire l'Iqama, quoi, pour la salat. Quand tu fais l'Iqama, Tukim Salah. Appeler pour la salat. Ouais, c'est faire le fait de faire l'Iqama, dès avant la salat. Deuxième appel. Shuruq, c'est le lever. Shuruq al-Sham, c'est le lever du soleil. Et le Ghuroub, c'est l'axe, c'est le coucher du soleil. Adhan, le soleil, ma'louf. L'adhan, c'est l'appel. La salat. Et Bakara, c'est arriver tôt ou faire les choses tôt? À la base, c'est arriver tôt, mais il se peut que ça ait un autre sens. À la base, c'est venir tôt. Al-Jumu'ah, ma'louf, vendredi. Le salat du Jumu'ah, c'est la salat du vendredi. Nama yanamu, dormir. Shams ma'louf, soleil. Je pense qu'on oublie, mais Shams. Quel mot il est connu. Takriban, c'est à peu près. Approximativement. À peu près. Approximativement. Kay, ça a le sens de lit, qui veut dire pour. Comme ça va venir. Hina, c'est au moment de. Et au moment de. Ça, ça ne va pas dans le texte. Dans le hiwar, mazalna ma Abdillah wa Muhammad. من عبد الله؟ طيب تفضل. أين نصلي صلاة الجمعة؟ دونك أو فضلنا صلاة الجمعة؟ محمد دي نو لو كان مسجد دي فوا المسجد الكبير ça peut être aussi le masjid principal. Alors dans une ville tu as plusieurs masjid, ce qu'on appelle le kabir ou jamir c'est le principal, c'est dans lequel se réunissent plus les gens. Quand débute la salade. Donc, au moment où on attend l'adhan, l'appel à Asnat Ashar. Quelle heure ça? Ça c'est le midi. Non. À 12h, à peu près. Takriban, on dit approximativement à peu près. Abdullah? ونغتسل ونلبس ملابسا نظيفة ونتطيب. Qui dit alors nous préparons et nous nous lavons et nous revêtons nos vêtements propres et nous nous parfumons. Malabis nazifa c'est les vêtements propres. نعم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. Donc il dit oui car le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم aimer le parfum. La focus c'est plus pour appuyer la chose en fait, parfois on traduit. Certes, on peut dire certes, peut-être, tu vois. Mais là, dans la phrase, là, c'est dur de transmettre ça en français. Falnuslia. À la base, le verbe c'est asla'a yusli'u. Le fait là, il a été rajouté, et le lève aussi. Le feu, on traduirait par le alors, et le lème là qu'on voit, fal musliyo, c'est un lème homme, ça s'appelle lème homme, c'est pour le fait de mettre un ordre

كان يحب الدين. نعم. تبي لي عفوا. تبي لي خمسة وسبعين. لصوص على المن. التب مسيم. طاء باء شدة يبدي. ثانيا كان محمود يقرأ الكتاب. محمود يزيل اليوم. على بس محمود يقرأ الكتاب. على بس أنا مترى حبار. كان يهم دسوا. طيب محمود là c'est quoi son arabe ya Daoud comment on l'appelle comment on l'appelle ism kana نعم et le khabar on appelle khabar kana et le khabar kana c'est comme le khabar mubtada ça peut être un ism tout seul ça peut être un jar majour ça peut être un zarf ça peut être une juma fi'liya ou une ismiya c'est la même chose donc on appelle khabar kana et là pour cet exemple khabar kana juma fi'liya c'est un verbe une phrase verbale. Et le cas, quand ça commence par Kana, c'est une phrase verbale. Pas forcément. Kana Mahmoudun Kaïman. Mahmoud était debout. Là, c'est pas une phrase verbale. Kaïman, c'est un ism mufrad là. Mais il commence par un verbe, on peut dire que c'est une phrase verbale. La phrase en elle-même. Lui parle du khabar, je pense, non? Non, non, je parle de la phrase. Ah ouais, si Kana est en danse, il y a les jumelles Chalia. Non. طيب ثالثا كان يونس يتناول الجبن والبيض donc يونس mangeait du fromage et de l'œuf et l'œuf plutôt le fromage et l'œuf جبن c'est le fromage البيض c'est l'œuf. رابعا كان الطفل يحب الحليب l'enfant ou le petit aimait le lait. خامسا كانت الحافلة تسرع في الطريق. Vous voyez, le bus allait vite sur la route. Et là, on a mis tatanif parce que hafila, les moins neuf. On est même avec le verbe. Mais attention, comme on a dit, le isme dans le fort qui vient après kana, c'est pas un fa'il. C'est isme kana, il s'appelle. Attention à ça. Sadisan, kana salimun yaskunu fil funduq. Donc Salim habitait dans l'hôtel. سابعا كان طالب يبكر في الحضور. Donc l'étudiant, voyez, arrivait tôt en fait. C'est en fait qu'il faisait tôt dans l'arrivée, mais nous on va dire en français arrivait tôt. C'est dans un de hadar et hadaru, se présenter, être présent. ثامنا كان الطبيب يفحص المريض. Donc le médecin examinait le malade, auscultait le malade. تاسعاً كان المؤذن ينادي للجمعة. Donc le muezzin faisait l'appel pour الجمعة. عاشراً كان محمود يصلي في حجرته. يا محمود لا يهديك. À part s'il était malade et qu'il n'excuse. محمود faisait la salat dans sa chambre. Ou alors, c'est une nashila. Salat nashila, à la ahsan. Mais vu le texte qu'il y avait avant, je ne sais pas si ça rivole. Parce qu'au début, dans le texte d'avant, il ne parle pas de nashila. Il parle de salat. Jumu'ah en plus. Ah, c'est pas Jumu'ah là, c'est Jumu'ah. Ouais, mais. Quand on apprend pas chez lui, il écoute. Je suis l'imam chez moi. Hadi Achar, Kana Khalidun, Yuazi, Yuazi à point, mais ça Yuazi. Yuazi et Kazel, c'est faire du mal. Et Yuazi, c'est le verbe de Adda Yuazi. On avait pris le mot Adda, qui veut dire quoi? Adda. Accomplissement. Accomplissement. C'est l'origine de ce verbe-là. كان خالد يؤدي تحية المسجد. Donc Khalid faisait les deux rakats en fait de تحية المسجد. Le salut de la mosquée. Voyez, ça a dit ça, là en fait il va faire appliquer ce qu'on vient de lire là. Adda, Hamza, Del Mushadda, Mushaddada, et Alif Maksoura. Comme Moussa. Donc ça dit ça maintenant, il va vouloir que vous fassiez. Et on va faire ensemble, monsieur. Ça, en fait, c'est appliqué ce qu'on vient de dire. Kana. Yaqul, Adib, Kana fil namouzaji. Répond comme dans l'exemple. Kana al nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, yuhibbu at-tayyib. Donc le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aimait le parfum. Al muslimu, entre parenthèses. On dit Kana al muslimu, yuhibbu at-tayyib. Donc à la place de Nabi, on a mis al muslimu.